En Corée, la cérémonie de remise des prix de recherche scientifique pour étudiants a eu lieu le 28 courant à la Maison de l'Union de la Jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Chun Yong-nam, premier secrétaire du Comité central de l'Union de la Jeunesse, les cadres de l'Union de la Jeunesse et les étudiants. On y a conféré les prix de recherche scientifique pour étudiants, les diplômes et les médailles à plus de 930 étudiants qui prêchent d'exemple dans l'étude et accomplissent les succès dans les activités de cercles de recherche scientifique et studentine.